La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 88-276-8080 et est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Petite bombe hier, un peu partout dans la Ligue nationale de hockey. Bob Hartley a été congédié par les Flames de Calgary. On ne l'a pas vu venir dans l'Est. On va parler avec notre collaborateur à Edmonton de Radio-Canada, Patrick Harry, pour savoir un peu si ça a été la même situation à Edmonton et à Calgary, puisqu'il couvre les activités des Oilers. Salut Patrick! Salut Yannick! Tu couvres également les activités des Flames pour Radio-Canada à Calgary aussi. Tu l'as-tu vu venir? Au mois de janvier, on a parlé avec l'ancien joueur du multiconcessionnaire. On va le faire vieillir un peu, mais moi, j'essaie toujours d'avoir un petit lien avec le haut du lac. Donc, il a joué pour le multiconcessionnaire dans les années 2008-2009. Et hier, il a une bonne nouvelle. Il a annoncé qu'il avait signé une nouvelle entente avec une équipe en France. On parle avec Mathieu Tremblay. Salut Mathieu! Mathieu, là, t'es rendu avec de la manière que je voyais ça, c'est Dog, c'est ça? Est-ce que c'est encore la première division ou la deuxième division en France, là? Ouais, dans le fond, j'ai signé avec les Dogs de Cholet, une équipe de division 1. Oh! Comparativement à l'opposé où je jouais en division 2 à Limoges, j'ai paraphé une entente d'une saison là, avec les Dogs de Cholet, une équipe en division 1. OK. Mathieu, si on parlait un peu, donc ça veut dire que là, quand je t'ai parlé au mois de janvier, tu travaillais en même temps un peu pour souvenir à tes besoins là-bas. Donc ça veut dire que là, tu vas jouer strictement, j'imagine, au hockey à temps plein, là. Ben oui, puis non. Dans le fond, là, j'avais le choix cette année là, avec Cholet là, de signer un contrat seulement hockey. OK. Et, c'est sûr que là-bas, tu veux pas, tu t'entraînes tous les jours sur glace, puis hors glace. Puis ils m'ont pas la possibilité d'avoir une job à mi-temps, de travailler 12 heures semaine là, pour un partenaire de l'équipe. Fait que moi, j'ai trouvé l'idée bonne quand même. Parce que je veux pas, tu sais, en étant en France, c'est bien beau de dire que tu joues au hockey, mais tu passes ta journée à l'appartement, là, tu te lèves à 11 heures, puis tu fais tes petits trucs après ça. Moi, j'aimais mieux avoir un petit travail là, pour avoir peut-être une grippe de vie là, plus agréable, me lever le matin, aller faire mes petites affaires, aller travailler peut-être 2-3 heures par jour. Okay. Après ça, aller m'entraîner. Puis ça me permet d'avoir un rythme de vie là, dans un monde de vie français là-bas. Là. La division 1, calibre, ça ressemble à quoi? Ben, je te dirais que moi, j'ai pas eu la chance de voir la division 1. Okay. J'ai vu la Ligue Magnus, par exemple, le niveau de la Ligue Magnus. Le niveau de la Ligue Magnus, là, c'est comme je parlais avec Marc aujourd'hui. C'est un petit peu plus fort là, que la ligne nord-américaine au Québec. Okay. Fait que, je m'attends que le niveau de la division 1 ressemble beaucoup à la ligne nord-américaine, mais en étant beaucoup moins physique là, quand on parle du niveau hockey. Parce qu'il y a la nouvelle glace aussi, une glace plus olympique, glace plus large aussi, c'est pour ça? Oui, exactement, c'est ça au niveau du hockey français, au niveau européen, surtout en France. Là, tous nos matchs, juste des glaces qui sont olympiques. Des grandes glaces, si je peux me permettre, là, ici, au Saint-Jean, je peux comparer, c'est des glaces comme au Saint-Georges, je le dis. Fait que c'est sûr que ça enlève un côté là, physique au jeu, parce que les joueurs sont beaucoup plus rapides, donc la mise en échec n'est pas vraiment, là, oui, elle a sa place, mais c'est pas autant là, que sur des glaces comme on peut aller des sports, quand tu vois les marques qui ont Pierre, où le niveau de jeu est très physique. C'est ce qui enlève un petit peu là, le côté physique là, du hockey européen. OK. Parle-moi maintenant de ce qui s'est passé du côté. T'avais-tu eu plusieurs offres? T'avais-tu eu d'autres? Ben dans le fond, ouais. Moi, c'est ça. Quand j'ai fini ma saison, là, à Limoges, j'ai eu deux offres, là, dans le fond, d'équipe de division. Hein. Dans le fond, j'ai commencé par une offre là, de l'équipe de Mont-Blanc. Mont-Blanc, okay. Dans le fond, nous, évoluant en D2 l'année passée, mais vu qu'ils sont tombés finalistes au niveau de la D2, montaient en division 1 pour la prochaine saison. Donc, eux m'ont fait un offre. Puis, par la suite, là, j'ai eu un offre là, de Cholet, cette annonce que j'ai signée pour la prochaine saison. Ils sont arrivés là, quelques semaines par la suite, ils m'ont fait un offre. Donc, moi, j'ai évalué les deux offres, communiqué avec mon agent, puis rentré en contact avec des joueurs qui ont joué à Cholet aussi. Donc, j'ai pris ma décision de m'en aller vers Cholet. Les raisons sont très simples. c'est une équipe là, qui a un entraîneur avec une bonne réputation au niveau de la France, qui ils ont fait progresser beaucoup de joueurs là, de la D1 à la Magnus. Donc moi c'est mes objectifs là, pour les prochaines années là, d'essayer de me trouver un poste au niveau de la Magnus. Donc je trouvais que c'était une belle opportunité pour moi d'aller voir ça. Okay. Mathieu, parle-moi un peu des joueurs européens. Parce qu'on n'a pas d'histoire, jouer en Europe, c'est le fun, c'est agréable. Par contre, ça ne paye pas pour préparer ton après-carrière. Est-ce que l'été, tu t'enseignes, tu étudies, c'est quoi tu fais là? Parce que tu veux pas, c'est pas comme la Ligue nationale, là. Non, t'as bien raison là-dessus. C'est sûr que jouer en France, surtout en France, c'est pas réputé là, pour des gros salaires et tout ça. Mais moi, quand je reviens ici, là, moi, j'ai fait des études là, à l'université pour être enseignant en éducation civique et à la santé. Okay. Donc, ouais. Il me reste un examen de français, l'examen qu'on appelle le TECFE, que j'ai toujours pas passé. Donc là, j'ai pris des cours à l'université pour l'été. Je reprends mon examen là, au mois de juin. Puis à travers ça, je m'entraîne. J'ai commencé l'entraînement à Tibal ce matin pour ma prochaine saison. Puis c'est sûr que je travaille un petit peu à côté de ça. Donc ça ressemble un petit peu à ça là, pour moi là, présentement. OK. Écoute, là maintenant, il y a les championnats du monde de hockey qui sont en France. Comment est-ce que tu penses que ça va faire? C'est un gros risque pour la fédération de hockey sur glace d'établir le championnat du monde en France. Chose certaine, ça semble quand même assez positif de la manière que j'ai entendu parler de ça. Donc ça devrait faire ça devrait quand même faire évoluer, j'imagine. Ça devrait faire avancer la cause du hockey en France. Oui, effectivement, là-dessus, tu as très raison, Danny. Au niveau du hockey en France, là, de plus en plus, d'année en année, là, prend sa place là, en France à travers d'autres sports, comme on parle à travers le football européen, à travers le basketball, à travers le handball et tout ça. Donc, de plus en plus, le hockey fait sa place. Puis je te dirais que le fait que présentement, il y a le championnat du monde là, à Paris, Bordeaux présentement, il y a un engouement énorme là, au niveau des gens par rapport à ça. Moi, juste avant de partir, j'étais allé à la Coupe de France, la finale de la Coupe de France, à Paris, dans le fond, à la même arena où je joue présentement le championnat du monde. Puis les gens, on n'entendait que parler de la Coupe du monde. Le monde avait très hâte de pouvoir assister à ces matchs-là. Puis surtout, qu'il y avait l'équipe de la France, les Bleus, qui étaient présents pour le championnat du monde puis qui ont connu dans le tournoi une très bonne prestation. Donc oui, présentement, là, je te dirais que ça va aider beaucoup pour... Surtout que contre le Canada, c'était rien que juste pour le Canada. Là. C'est pas l'équipe A, c'est sûr. C'est peut-être même pas l'équipe B, c'est peut-être l'équipe C. Mais c'est comme nous, là, que si le Canada affronterait la France au soccer et on chaufferait français, à quelque part, je pense qu'on entendrait parler. C'est un peu le même principe. Là. Oui, exactement. Pour eux autres, là, ça a été très gagnant de battre la Finlande. Ouais. Dans le top 3, top 4 depuis plusieurs années. Puis d'avoir une très belle prestation contre le Canada, comme tu dis, avec une équipe C, mais quand même pour la France, de plus en plus, là, on entend parler de des joueurs comme il y a eu Antoine Roussel, il y a Thérèse Waldermann, il y a le jeune Texier qui fait beaucoup parler là, au niveau des équipes de la Ligue nationale. Donc, on parle que oui, l'hockey en France, c'est peut-être reculé comparativement à nous, mais de plus en plus, là, on entend parler, puis ils nous l'ont prouvé encore cette année, là, qu'il y a des bons joueurs d'hockey en France. OK. Ben Mathieu, félicitations, on va continuer à te suivre quand même. T'as fait du chemin depuis le multi-concessionnaire, c'est incroyable, pareil, puis au plaisir de se reparler certainement. On va te suivre là-bas, on s'est parlé une fois cet hiver, puis on va s'en reparler au moins une fois l'hiver prochain lorsque tu seras là-bas. Mais c'est quand même pas mal de fun. En terminé, il y a des joueurs, Christian Ouellet aussi, qui s'en va en Australie. Donc, les joueurs, ça prouve à quelque part qu'ailleurs, bon, sans nécessairement être riche, on peut faire une carrière et continuer nos passions. Là. Ouais, exactement. Ben, c'est ça qui est le fun pour nous, de pouvoir en profiter et d'aller jouer et s'amuser là, le hockey, là, surtout en Europe, là, dans d'autres pays. Donc, oui, c'est une belle opportunité pour nous. Fait que... On est sûr de faire ça, fait que c'est sûr qu'on saute à pieds joints là-dedans, puis on recule pas devant. Bravo, puis on s'en parle l'automne ou l'hiver prochain. C'est bien gentil, merci. Mathieu Tremblay qui va évoluer en Ligue 1 en France l'an prochain.